Toujours à l'occasion du commencement de la direction de la révolution de Sungun par le général Kim Jong-il, le journal russe Libak Saralina en date du 18 a fait une rédaction spéciale avec le portrait en sourire du général coréen. Le journal a présenté la photo du général prise avec le maréchal Kim Jong-un et la photo du maréchal. Il a indiqué comme ce qui suit. Le camarade Kim Jong-il, soleil éternel de la Corée de Sungun, a défendu le sort du socialisme et de la nation par la puissance de Sungun. Grâce au maréchal Kim Jong-un, la Corée continue sans aucune déviation l'histoire de la direction de la révolution de Sungun du général Kim Jong-il.